Il est parti sur la route, sans aucun espoir et dans le doute. Il est parti au galop, mais il vivait avec le vent dans le dos. Cette route était sa vie, et une femme l'a suivi. Elle a quitté le repos pour vivre avec lui et avec le vent dans le dos. Il était grand, elle était seule. Il était pour elle un héros, car il vivait toujours avec le vent dans le dos. Ça ne lui a pas suffi. Il s'est offert une moto, et avec elle il roule avec le vent dans le dos. Aujourd'hui il a vieilli, il vit seul car sa femme est partie. Parfois elle lui souffle des mots en se servant du vent qu'il a dans le dos. Dans le royaume de l'au-delà, ils seront réunis là-haut, et ils vivront comme dans un rêve avec le vent dans le dos. Le vent.